بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فسنواصل إن شاء الله اليوم في الجزء الفقهي من هذه الرسالة. On va poursuivre dans la partie de la jurisprudence de cet épître et nous étions dans les règles de la salat. Et nous avions fini la meilleure façon de faire le wudu. Et nous avions parlé également de tayammum, ablution sèche, comme ils disent. Kadhalika akhadna nawaqid al-wudu. On a pris également les annulatifs des ablutions. Yaqul fil mas'ala al-khamisa wa sittin. 65e mas'ala. على المسلم في كل يوم وليلة خمس صلوات مفروضة. Il convient au muslim d'observer chaque jour et nuit cinq salats obligatoires. Et comme vous le savez, ces cinq salats obligatoires sont le deuxième pilier de l'islam. والدليل حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة متفق عليه. Qui a un bédouin qui a interrogé le prophète عليه الصلاة والسلام sur l'islam. Il lui répondit qu'il s'agit de cinq salats dans la journée, dans la nuit. Et vous savez, dans les hadith qui parle des pieds de l'islam, comme celui de Ibn Omar, Bunya l'islam wa la khams, Shahadat Allah ilaha illallah, wa Muhammad Rasulullah, wa qami salawa wa ta'i zakat, wa hajj al-bayt wa sum ramadan. Que l'islam est bâti sur cinq piliers, les deux attestations, la salat, la zakat, le hajj et le siyam de ramadan. Sauf que dans le hadith, c'est cité que c'est un pilier, mais ce n'est pas cité que cela a lieu au quotidien. Donc ces salats, elles ont lieu chaque jour. Ces cinq salats, elles ont lieu chaque jour. Et quand on dit de nuit, il s'agit de la salat du Isha, car elle a lieu la nuit. Et le Maghreb, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a lieu la nuit, parce que la nuit n'est pas encore tombée totalement. Ça reste quand même la fin de la journée. Et ces salawat, elles ont des temps prescrits. Comme Allah Ta'ala, « Inna salat kanat al-mu'minina kitaban mawquta » Que la salat était pour sur le croyant prescrite à des temps précis, des horaires précis pour faire la salat. Et cette salat, malgré la divergence qui existe entre les ulama, le qawl ar-rajih, la parole authentique, c'est que celui qui la délaisse a mécru. Il a mécru et il sort de l'islam. Et parmi les preuves souvent que l'on omet d'oublier, de citer dans cette mas'ala, c'est que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Ubad ibn Samit, radiallahu anhu, lorsqu'ils ont fait le pacte d'allégeance avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, Bayana Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ala man uhib wa man akrah fil ma'ana, dans les choses qu'on aime et qu'on déteste, fi usrina wa yusrina, dans la difficulté, dans la facilité, et même si on subit des injustices, c'est-à-dire porter allégeance au gouverneur, et de ne pas disputer le pouvoir de celui qui le possède, parmi les gouverneurs musulmans. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Illa antaraw kufran bawahan » Indakum min Allah fihi burhan. C'est-à-dire qu'on ne dispute pas le pouvoir du commandeur musulman tant qu'on ne voit pas de lui une mécréance évidente dont nous avons une preuve d'Allah Azza wa Jal. Claire. C'est-à-dire qu'une fois que le gouverneur sort de l'islam, par exemple, à ce moment-là, il est permis de sortir contre lui avec des conditions. Là n'est pas le sujet. D'accord? Donc il dit bien, lorsqu'on voit de lui, une mécréance évidente. Wa kazalik, le shahid de cela, c'est dans le hadith de Umm Salama, radiallahu anha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait informé qu'il allait avoir des gouverneurs injustes et mauvais. Et parmi eux, des choses, certains qui font des choses bien, et d'autres des choses mauvaises. Et que celui qui sera dans l'erreur, celui qui aura cautionné le mal qu'ils font. Et celui qui sera sur le vrai, celui qui aura réprimandé l'erreur qu'ils font. Et quand on dit réprimander, cela ne veut pas dire de sortir contre eux ou forcément en parler ouvertement, mais soit conseiller en privé ou alors démontrer l'erreur sans pour autant citer le gouverneur ou s'en prendre à lui ou mettre la haine dans le cœur des gens contre lui. Mais on blâme l'erreur. Par exemple, le gouverneur appelle une chose qui est interdite en islam et il revient au prédicateur de montrer aux gens que cette décision en islam, elle est une erreur. Par exemple, je sais pas moi, le gouverneur appelle à ce qu'on vote pour lui. Il y a des présidentielles, par exemple, et vu qu'on le réélise, à ce moment-là, il revient aux ulama et aux prêcheurs et aux imams d'établir des allocutions, des interventions dans lesquels il clarifie clairement le jugement des élections et de la démocratie, que cela est interdit. Par exemple. Quoi qu'il en soit, dans ce hadith, il dit, plutôt Umm Salama a dit, afala nuqatilunahum, an nuqatiluhum, ne devrions pas donc les combattre, c'est-à-dire ces gouverneurs qui font du mal. Il a dit, la ma sallu. Il a dit non, tant qu'ils accomplissent la salat. Tant qu'ils accomplissent la salat. Donc quand on joint ces deux hadiths, ça veut dire quoi? Le premier, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on ne sort pas contre eux, tant qu'on ne veut pas donner une mécréance claire. Et dans le deuxième, il dit on ne sort pas contre eux, tant qu'ils font la salat. Donc qu'est-ce que cela inclut? Que le délaissement de la salat est une mécréance claire. Là, c'est surtout un dalil qu'on cite là. Il y en a plein d'autres, hein, qu'on a déjà parlé dans d'autres doulous, pour pas avoir encore à évoquer le sujet. D'accord? Sur Tark al-Salah. Mais là, c'est l'un des plus forts également qui existe. Et que, on ne cite pas forcément à chaque fois. Donc là, on se le rappelle ici. Taïe. Donc, il convient aux musulmans d'observer salawat. Au quotidien. Il dit, في المسألة السادسة وستين, فإذا قيل كم في الخمس صلوات ركعات. Combien est-il de ركعات dans chaque salat? De combien de ركعات se composent les salawat? Les ركعات souvent ils traduisent ça par unité de prière. C'est-à-dire toutes les parties, toutes les séquences de la salat. فقول فيها سبع عشرة ركعة الظهر. طيب, dit qu'il y a en tout 17. Si on réunit toutes ces ركعات de toutes salawat quotidiennes, il y en a en tout 17. Après, elles sont réparties en 5 salawat dans la journée et chacune a un nombre défini. Al-Dhor, arba raka'at. Le Dhor, il a 4 raka'at. Comme vous le savez. 2, un tashahoud, puis 2. Al-As, la même chose. Arba raka'at. Le même tartib, le même ordre que le Dhor. 2, après un tashahoud, après 2, après tashahoud final. Al-Maghrib, Thalas Raka'at. La salat du coucher de soleil, le Maghrib, elle en a 3. 2, puis un tashahoud, puis une Raka'at. Et le Isha, Arba Raka'at. Le Isha, il a 4 Raka'at. 2, à voix haute. J'avais aussi précisé pour le Maghrib, c'est les deux premières sont à voix haute également. Le Isha, 2 à voix haute. Puis tashahoud, puis deux à voix basse, puis tashahoud final. Et ensuite, celle du fajr, du subh, c'est deux raka'at, directement à voix haute. Avec un seul tashahoud qui est l'unique et le final. Et il dit également, as-safar, wa fi safar, tuqsar al-dhur wa al-asr, wa al-isha ila raka'atayn. Et lors d'un voyage, le Dhor et le As, ainsi que le Isha, sont raccourcis de deux rak'at. C'est-à-dire le dhor, tu ne le fais que deux. Le asr, tu ne fais que deux. Et le isha, tu ne fais que deux. Par contre, le maghrib et le fajr, ils restent pareils. Il n'y a que le salat, qu'on appelle ruba'iyya, celles qui sont composées de quatre unités, qui sont raccourcies. Et également, il est permis de les joindre, de faire le dhor avec le asr, et de faire le maghrib avec le isha. Par contre, le fajr, il reste tout seul, il reste complet. Non. ثم يقول في المسألة الثامنة وستين أو plutôt 67 كل صلاة تؤذن لها في وقتها qu'on appelle à chaque صلاة c'est-à-dire ce qu'on appelle l'adhan en son temps. Dès que le temps d'une صلاة y rentre, il faut faire l'adhan. Et l'adhan, c'est ce qu'on appelle un fard kifa'i. C'est une obligation commune. Si certains s'en chargent, elle n'est plus obligatoire pour tout le monde. Elle n'est plus obligatoire pour tout le monde. Donc il est obligatoire que certaines personnes fassent l'adhan dans les masajid. Malheureusement, comme vous le savez en France, cet adhan, il est interdit de le faire à l'extérieur. Obligé de le faire à l'intérieur. Donc il perd un peu de son intérêt. Ce qui n'empêche pas de devoir le faire quand même. وكما قال تعالى واتقوا الله ما استطعتم اكرنيه الله comme vous pouvez. Si la personne peut s'approcher de la fenêtre ou faire en sorte que l'adhan soit un minimum entendu, cela est meilleur. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, dans son charh Usul Salasa, il voit que le simple fait que l'adhan soit interdit d'être fait à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il soit entendu à l'extérieur de façon claire, il dit que ça c'est un pays dans lequel on ne peut pratiquer l'islam, il faut le quitter. Que la hijra est obligatoire dans un pays dans lequel on ne peut pas faire l'adhan. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il combattait des contrées, il partait en bataille, quand il ne savait pas si c'était des musulmans ou pas, il attendait le fajr, pour voir si on entendait l'adhan ou pas. Si on entendait l'adhan, il n'attaquait pas. C'est-à-dire, il savait que c'était des musulmans. Si on n'entendait pas l'adhan, il attaquait. Il lançait l'assaut. Naam. Donc le dalil de cette mas'ala, c'est le hadith de Malik ibn الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم lorsque le temps de la salat arrive que l'un d'entre vous fasse l'adhan et que le plus âgé de vous dirige la prière. Maintenant, cet ordre que le plus âgé dirige la salat, ça c'est pas dans l'absolu. À la base, celui qui est ahfaz, celui qui a plus de hifz, également. Ou alors celui qui a plus de ilm. Et sinon, celui qui a fait la hijra en premier. Car il se peut que tu trouves quelqu'un qui est plus âgé, aussi, qui a plus de hifz, possible, qui a plus de sunnah, qui a fait la hijra, cependant, ben, il n'a pas une belle récitation. Quelqu'un d'autre récite mieux que lui. Alors à ce moment-là, on peut faire devancer celui qui récite le mieux. Afin que ce soit plus clair, et on va dire plus agréable, et que la parole d'Allah Azzawajal soit plus respectée. Cela est meilleur. D'accord? Cela est meilleur. Dans certaines conditions. Sans quoi, si le plus âgé remplit les conditions, d'accord? Alors lui, à la base, il est plus en droit d'être imam. Mais comme on dit, ce n'est pas une obligation. Par contre, maintenant, s'il y a des gens qui sont là et qui récitent mal ou qui ne connaissent pas bien ou quoi, alors il ne faut pas les faire passer. Il ne faut pas les faire passer. Ou s'il y a un salafi, par exemple, et qu'il y a un mubtadir, le salafi est prioritaire. Le sunni est prioritaire. Même s'il connaît moins de Coran que l'autre. Il sera prioritaire à prendre la place de l'imam. Car il est plus proche de ce que représente l'islam authentique. Et d'ailleurs, les ulama disent que faire la salat derrière un sunni est meilleur que de faire la salat derrière un mubtadir. Si tu as un masjid avec un sunni et un masjid avec un mubtadir, fais devancer la salat derrière le sunni, même si cela est plus loin, et plus long et plus dur. Si tu peux y aller. Ta salat est plus complète et tu auras plus d'âge. Maintenant, la salat derrière le mubtadir, elle est légiférée, elle est permise, la salat elle est valide. Mais celle derrière le sunni est plus complète, elle est meilleure. Et d'ailleurs, même toi, en tant que sunni, tu te sens mieux à faire la salat derrière un sunni que derrière un moubtadia. ثم يقول في السؤال أو في المسألة الثامنة وستين 68 مسألة من سمع النداء يقول مثل ما قال المؤذن celui qui entend l'appel à la salat qu'il répète ce que dit le مؤذن et ça c'est le hadith de Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال lorsque vous سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول Il a dit, lorsque vous entendez l'appel, dites ce que dit le muazzin. C'est-à-dire qu'on répète tout ce qu'il dit. Hormis, en deux endroits, lorsqu'il dit Hayla Salah, deux fois, à ce moment-là, on dit La hawla wa la quwwata illa billah. Et Kazalik, lorsqu'il dit Hayla al-Falah, deux fois, on dit La hawla wa la quwwata illa billah. Non. Et dans celle du Fajr, lorsqu'il dit As-Salah al-Khayru min al-Nawm, on dit comme lui. Il y a des ulama, ils disent qu'on ne dit pas parce que différentes raisons, mais le hadith, il est clair. Et il n'y a rien qui amène à le sortir de son apparent. Donc même au Fajr, lorsque l'imam dit « As-salat khayrun min an-nawm », on dit comme lui. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'après ça rentre dans les chourous de la salade. Il vaudrait mieux les faire ensemble. Donc voici les masailles qu'on a pris aujourd'hui. Qu'il y a 5 salawat à faire de jour et de nuit quotidiennement. Elles sont obligatoires et elles sont même un pilier de l'islam. On a pris le nombre de raka'at pour chaque salat. On a dit que l'appel à la salat était une obligation commune pour la salat en groupe. Et on a dit également que celui qui entend cet appel, cet azan, doit répéter ce que dit le muazzin. Et je crois que j'ai oublié de lire une partie du... Non, dans le sud, dans la 67e mas'ala, également ce hadith, lorsqu'il dit إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمن أكبركم lorsque le temps de la salat approche, que l'un d'entre vous fasse la salat, ou fasse l'azan plutôt, et que le plus âgé d'entre vous dirige. Et ce hadith-là également est parmi les hadiths de la salat, de l'obligation de la salat en commun. Il y a d'autres hadiths qui sont venus, et celui-ci c'est parmi les hadiths que la salat doit être faite en commun, pour les hommes. Obligatoirement quand cela leur est possible. Et l'un des plus grands hadiths, c'est lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était sur le point de diriger la salat, ou plutôt de mettre quelqu'un à sa place, comme imam, pour que la salat en commun soit faite, avec les gens présents, et qu'il prenne un groupe d'hommes avec lui, avec des fagots de bois, qu'il rassemblerait, pour brûler les maisons de ceux qui n'assistent pas à la salat en commun. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur maison, ils brûlent leur maison sur eux. Avec eux dedans. Mais cela n'a pas été à fait parce que déjà, cela a été abrogé par le hadith que quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yu'azin bin nar, il est rabbun nar. Que seul ne châtifie par le feu, le seigneur du feu. Et également dans ces maisons-là, il se peut qu'il y ait autre que les personnes concernées par le jugement. Il se peut qu'il y ait ses familles, qu'il y ait les femmes, les enfants. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Mais il a prononcé cette menace pour montrer la gravité du délaissement d'un salat en commun au mosjid pour ceux qui peuvent la faire. Non. على الذي أخذنا اليوم من هذه المسائل فنكتفي بهذا القدر وسبحانك وبحمدك لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ça a coupé. Je ne sais pas pourquoi je nous rends compte un instant qu'il y a une coupure. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé sur vous. Là, c'est maintenant que je me rends compte que ça a coupé. Normalement, lorsque ça coupe, il y a Mon téléphone, il fait un bruit pour m'avertir qu'il n'y a plus de transmission, plus de connexion. Et là, je viens de regarder, je vois que ça a coupé sur vous. Subhanallah, je suis vraiment désolé. De toute façon, l'audio sera diffusé, Inch'Allah, sur la chaîne. Hafizakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadji. Vraiment, il fait un bruit quand même.